Avec le Avec le temps, temps, oui. avec le Avec le temps temps va, va, tout s'en tout va. s'en Oui, va. bien sûr, On Mathieu. oublie le Ah visage oui, le visage, et oui. l'on oublie la voix. Ah, ben oui. Le cœur, Ah. quand ça Quand bat ça bat plus, plus, c'est pas la c'est pas la peine peine d'aller d'aller. Ah oui, merci chercher Mathieu. plus loin. Ah, au Il revoir. faut laisser Faut laisser faire faire, et c'est et très c'est bien. très bien.